Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire La rebelle, insolente et curieuse, Mafalda. Bonjour maman! Est-ce que tu sais si on a interdit les armes nucléaires? Je ne sais pas, Mafalda. Je crains que non. Pourquoi? Eh bien, pour rien en particulier, maman. Mais ce serait chouette d'apprendre un matin, juste au moment de se lever, que la vie de quelqu'un ne dépend plus que de lui-même. Tout l'esprit du célèbre personnage de Kino est résumé dans le court extrait qu'on vient d'entendre d'un dessin animé de Mafalda. Avec ses questions incessantes, c'est le monde dans lequel on vit que Mafalda remet justement sans cesse en question. Né dans l'Argentine du début des années 1960, le petit personnage de Kino va vite conquérir la planète et devenir un grand classique du 9e art. C'est sous son crayon que Mafalda a vu le jour, fillette espiègle à la chevelure brune dont des générations ont dévoré les aventures. Kino, de son vrai nom Joaquín Salvador Lavado, s'est éteint à l'âge de 88 ans. Euronews avait rencontré le dessinateur argentin lorsqu'il avait reçu le prix Prince des Asturies en 2006. Je ne m'attendais à rien. J'ai commencé à publier ce personnage sans le connaître totalement. Je ne l'avais pas assez travaillé avant de le publier. Mais à un certain moment, je me suis demandé comment faire pour continuer à raconter son histoire. Et j'ai trouvé cette idée de Mafalda, qui pose des questions à ses parents, des questions auxquelles personne n'a de réponse. Pourquoi la guerre existe? Pourquoi y a-t-il des gens pauvres? Pourquoi on détruit la planète? Des questions sans réponse. Et je trouvais que c'était un bon moyen pour que les gens s'intéressent à Mafalda. Comment voyez-vous le monde, Kino? Il me semble que non seulement les pays ont fait les mêmes erreurs au cours des deux derniers siècles, mais que les êtres humains ont tendance à ruiner ce qu'ils font de bien. Kino a croqué les péripéties de son héroïne de 1964 à 1973, une saga à laquelle il avait préféré mettre un point final plutôt que de prendre le risque de se répéter. C'est un reportage diffusé à Euronews le 30 septembre 2020 que vous venez d'entendre. C'est ce jour-là qu'est mort Kino, le père de Mafalda. Pour nous parler de Mafalda, je reçois le comédien et chroniqueur BD Jean-Dominique Leduc. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, quelle place elle occupe, Mafalda, dans l'univers de la bande dessinée, Jean-Dominique? Oh, elle occupe une très, très grande place. En fait, je dirais que Mafalda se trouve vraiment au panthéon des chefs-d'œuvre de la bande dessinée internationale. Et d'entrée de jeu, dans l'extrait, lorsqu'on demande à Kino comment est le monde aujourd'hui, en fait, et qu'est-ce que Mafalda vient toucher, c'est qu'en fait, Mafalda, de par ses questions, de par son questionnement incessant, place l'humanité face à son échec. Et lorsqu'on relit Mafalda aujourd'hui, on rit, mais à la fois, on ne peut pas s'empêcher d'être triste de constater que finalement, l'humanité n'a pas du tout évolué. Ouais. Et que finalement, les problèmes écologiques, les problèmes technologiques, le consumérisme, tout ça, en fait, c'est comme si l'humanité, l'homme, n'avait pas pris acte de ça. Et pourtant, lire Mafalda, c'est toute une claque, en fait. Donc, une lucidité froide, mais en même temps, évidemment, l'humour qui est là quand même, parce qu'elle est étonnante, elle est insolente. Donc, c'est drôle, mais en même temps, le constat est dur. C'est ce que je comprends. Oui, tout à fait. Le constat est très dur. Et c'est ça aussi, en fait, l'humour. Hein? C'est de dépeindre les travers, les différents travers de la société pour nous amener à réfléchir. Et en ce sens, Mafalda est une humoriste humaniste extraordinaire. Ouais. Un petit mot sur Kino, le père de Mafalda, qu'on vient effectivement d'entendre. Un petit mot sur lui. Qui est-il? Où en est-il également, Jean-Dominique Leduc, au moment où il crée ce personnage de Mafalda? Kino, tout d'abord, a fait l'École des beaux-arts. Il a découvert la force du dessin par le truchement d'un de ses oncles. Et très jeune, Kino a découvert qu'il dessinait mieux qu'il s'exprimait verbalement. Hein. C'est un homme qui était vraiment un homme de peu de mots, qui s'exprimait de manière un peu brouillon, probablement à cause de la gêne. Et donc, il a découvert cette puissance du trait. Hein. Et donc, il ira à l'École des beaux-arts de 13 à 17 ans. Et à 17 ans, vraiment, il claque la porte des beaux-arts et il décide de vivre de sa plume et d'œuvrer dans le dessin humoristique de presse. Et donc, ça se passe bien. C'est pas un grand dessinateur, mais c'est un homme qui a de très, très grandes et très bonnes idées. Et donc, il va publier en 1963 un premier livre intitulé « Le monde selon Kino », hein, qui est une compilation de ses de morceaux choisis de presse. Mais parallèlement à ça, il avait déjà amorcé le travail sur Mafalda et la naissance de ce projet-là. Vous savez, Jacques, on a failli ne pas voir Mafalda. Ah bon? Ou en fait, on a failli la voir, mais dans un tout autre contexte. Parce qu'en fait, c'est un contexte très... Au départ, Mafalda naît dans un... C'est presque une commande. C'est pas presque, c'est une commande très commerciale qui donne naissance à Mafalda. Ah, tout à fait. C'est une commande d'une agence de publicité, hein, qui représentait une marque, une gamme d'électroménager Siam, pour ne pas la nommer, en Argentine. Donc, marque très connue. Et on lui donne le mandat à Kino de créer un strip se situant entre les strips américains très, très populaires à l'époque, Blondie et Peanuts de Schulz, et d'y représenter la famille argentine type. Alors, Kino se penche sur sa table à dessin, va réaliser une douzaine de vignettes, donc de gags, de courts gags, de courtes histoires en 4-5 cases. Et ben, finalement, la gamme d'électroménagers ne sera jamais lancée. Et donc, ces strips-là de Mafalda retourneront dans un tiroir de Kino. Et c'est à l'insistance de suite à l'insistance de son épouse, en fait, que Kino va ressortir ces bandes-là et que finalement, il va les proposer à un quotidien argentin. Et à partir de là, tout à coup, Mafalda, on pourrait dire en quelque sorte, va vivre sa seconde vie qui sera vraiment beaucoup plus longue, palpitante et incroyable. Ouais. Et quand on connaît un peu le personnage de Mafalda, ce que ça va devenir Mafalda, c'est d'autant plus cynique et sarcastique de penser qu'au départ, on voulait qu'elle vende des électroménagers parce que ce qu'elle va véhiculer comme message, c'est vraiment aux antipodes d'une entreprise aussi commerciale et aussi mercantile. Bonjour, Felipe. Bonjour. Où vas-tu? À la boutique de Manolito. Je vais avec toi. Qu'est-ce que tu vas acheter? Rien du tout. Je fais des économies pour m'acheter une petite voiture et une vraie petite fusée. Bonjour. Bonjour. Et pourquoi tu ne mets pas toutes tes pièces dans une tirelire? Parce que, à part celle de Manolito, je ne connais pas de tirelire qui paie des intérêts cumulatifs avec capitalisation semestrielle. Alors, on voit Mafalda, la première image, elle regarde une pile de vêtements. Ensuite, elle se promène dans le salon, tout est propre. Elle arrive dans la cuisine, la vaisselle est faite. Et ensuite, on voit, elle approche sa mère, puis elle dit « Maman, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu vivais? » Si tu vivais. Si tu vivais. Alors, toute cette réflexion-là de l'objet et de l'œuvre, donc... L'aliénation des femmes, qui est un thème vraiment... assez en avance pour les pour début l'époque. Des années 60 en Amérique du Sud. Absolument. Et elle est une féministe avant la lettre, peut-être pas avant la lettre, mais en tout cas elle est très préoccupée. Elle voit sa mère qui aurait pu être musicienne, qui a étudié pour devenir musicienne, qui fait le ménage, qui découvre ses anciennes partitions et qui se met à pleurer, puis elle dit maman, pourquoi t'as pas continué? Ah, alors oui. Elle est comme ça. Et c'est aussi une révoltée devant les injustices du monde, et c'est aussi une révoltée devant les injustices sociales à sa porte, dans sa maison. Le journaliste François Brousseau et la philosophe Emmanuelle Marceau à l'émission Médium Large, animée par Catherine Perrin en 2014. Alors, on y vient aux préoccupations de Mafalda avec cet extrait, entre autres, Jean-Dominique Leduc. Comment décrire ce personnage, cet univers de Mafalda? Alors, essentiellement, Mafalda, c'est une jeune fille qui refuse le monde dans lequel elle vit tel qu'il lui est présenté. C'est une idéaliste, une indécrottable idéaliste qui d'ailleurs refuse, elle a vraiment une fixation sur la soupe qu'elle associe à la plus grande des tortures, donc elle déteste la soupe et elle va mener des combats donc, comme il en était question dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Donc la condition féminine est au cœur vraiment de ses préoccupations. D'ailleurs, pour elle, elle trouve ça triste que sa mère soit une femme au foyer, elle comprend pas du tout. Et il est hors de question pour elle qu'elle finisse comme sa mère, d'ailleurs. Ouais. Elle va critiquer beaucoup la dictature La surpopulation, la guerre, les conflits internationaux, l'environnement aussi. Et il y a même, et ça, je ne me souvenais pas du tout de ça, Jacques, mais en relisant Mafalda, il y a comme une série de strips qui parlent de l'intelligence d'au-delà, donc des extraterrestres, et elle se désole de vivre dans la seule civilisation qui n'a pas été assez intelligente pour aller explorer l'au-delà et pour essayer de se déplacer ailleurs dans l'univers. Donc, c'est une petite fille au grand cœur, mais à un cœur quand même sombre. Ouais, et très informée de l'état du monde dans lequel elle vit. François Brousseau disait, autant, il y a comme un double registre tout le temps. Je reviens à l'exemple qu'on entendait, la condition de sa mère, condition quotidienne de sa mère, confinait ce rôle traditionnel dans lequel on confinait les femmes. Mais plus que ça aussi, des préoccupations plus universelles. Vous parliez de surpopulation, la menace nucléaire. Il y a toujours ce double registre-là, mais quelqu'un est très informé. Cette jeune Mafalda, elle est très, très au fait de ce qui se passe dans son monde. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a aussi, à travers ces 9 années et demie de strip, il y a le rapport au globe terrestre. Hein. On voit souvent Mafalda avec un globe terrestre qu'elle dorlote, qu'elle essaie de soigner, qu'elle essaie de nettoyer. Parce qu'évidemment, pour elle, il y a trop d'injustices sur cette planète-là. Et elle se sent responsable de ça. Et elle veut... C'est une idéaliste, mais une idéaliste qui est dans l'action. Donc, elle va toujours au devant des coups, que ce soit avec ses parents, avec ses amis, avec les enseignants, enseignantes, avec tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est étonnant, Jacques, parce qu'à l'époque, dans la bande dessinée, dans début des années 60, les personnages féminins étaient encore relégués vraiment au second plan. Ouais. Et là, on a une petite fille qui tient la vedette d'un strip argentin. Et contrairement, juste pour une mise en contextualisation, là, contrairement à la bande dessinée européenne et américaine qui, dans les années 60, vit un âge d'or, eh bien, en Argentine, c'est l'hécatombe. Il se publie pratiquement plus rien en Argentine. Et Mafalda, donc, va, en quelque sorte, non seulement essayer de sauver le monde, mais elle va également sauver le 9e art argentin. Oui. En l'ouvrant beaucoup aussi, vous me corrigerez, mais c'est probablement un des legs principaux de Mafalda. Ça a été beaucoup longtemps la BD, une affaire de garçon. Tout à coup, avec elle, entre autres, les jeunes filles s'intéressent à la BD. Ah oui, non seulement les jeunes filles, mais toute la clientèle féminine. Oui. Parce qu'effectivement, vous avez raison, Jacques, la bande dessinée, c'était une affaire d'hommes. Et vraiment, c'est un personnage qui va transcender les époques, qui va transcender les cultures. Pourquoi? Parce que c'est une représentation puissante et positive d'un personnage féminin. Et qui se revendique de sa modernité. Parce que elle, tout à coup, Mafalda, ce qu'elle rêve, c'est l'égalité des sexes. C'est la parité des genres. Et ça, déjà dans les années 60, en Occident, on sentait tranquillement cette amorce-là. Mais elle, en Argentine, vraiment, ce personnage-là, c'était vraiment pas banal. Ouais. Revenons sur cette comparaison où quand vous nous rappeliez la genèse de ce personnage-là en disant que c'est une marque d'électroménager qui se cherche une espèce de famille typique d'Argentine, la commande qu'on fait à Kino, c'est « crée-nous quelque chose qui ressemble à la fois à Peanuts, à la fois à Blondie. » Parlons-en justement de Peanuts, de Charlie Brown, parce qu'il y a une ressemblance. Mafalda, comme Charlie Brown, c'est une enfant qui réfléchit en adulte, qui a des préoccupations d'adulte. Comment se comparent ces deux personnages-là? C'est intéressant parce qu'effectivement, on peut faire le raccourci un peu court, là, de se dire « ouais, ça se ressemble beaucoup, mais dans les faits... Alors que Charlie Brown et la bande demeurent dans un monde d'enfants, d'ailleurs, hein, vous remarquerez qu'on ne voit jamais d'adultes de plein pied en 50 ans de Peanuts. C'est jamais arrivé. Alors que les enfants fuient le monde adulte, eh bien, Mafalda, elle, confronte le monde adulte. Et si Peanuts est dans la mélancolie, dans la nostalgie, dans une espèce de poésie, dans une espèce de vague à l'âme aussi, alors là, Mafalda, on est vraiment dans un discours politisé, tranchant, dans le monde dans lequel elle vit. Et souvent, on va comparer Mafalda à Lucy dans Peanuts. Oui. Et moi, je donne toujours l'exemple aux lectrices et lecteurs. Vous vous souvenez, Jacques, il y a toute une série de gags dans Peanuts où lorsque Charlie Brown vient pour botter le fameux ballon de football, mm-hmm. Lucy le retire à la dernière seconde. Voyez-vous, Mafalda ne ferait jamais ça. Au contraire, Mafalda serait là pour encourager Charlie Brown et ça aurait probablement été une extraordinaire alliée à Charlie Brown. Donc, ce sont quand même si c'est des personnages qui sont dans le prisme de l'enfance, mais avec une réflexion d'adulte, ce sont quand même deux univers diamétalement opposés. Ouais. Et opposés aussi parce que si Charles Schulz a vraiment monnayé sa création, vraiment en envahissant le marché des produits dérivés avec des figurines de Charlie Brown, des albums de musique, des séries télé et que sais-je encore. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune d'ailleurs. Alors Kino, lui, a vraiment protégé, jalousement protégé, donc, l'exploitation commerciale de son personnage de Mafalda. Et ça aussi, c'est une différence notable entre les deux univers. Et non seulement il protège Mafalda de cette exploitation commerciale, mais lui-même, au fond, jette l'éponge assez vite. Dès 1973, alors que c'est la poule aux œufs d'or, cette affaire-là pour lui, dès 1973, il met fin à la série des Mafalda. On l'écoute répondre aux questions de Catherine Pépin à ce sujet. Pourquoi avoir mis fin à cette série si tôt à l'émission Macadam Tribu en novembre 2000. Mais alors, je sais qu'on vous a posé 1000 fois la question, pourquoi avoir arrêté Mafalda? Parce que la situation de ce moment-là, c'était tellement divers de la situation aujourd'hui. J'ai connu le Paris en mai 1968, où les étudiants, ils voulaient changer l'imagination au pouvoir, tout ça. Aujourd'hui, les étudiants français, ils veulent que rien change, ils veulent seulement sortir de l'université, avoir un boulot. C'est une différence très violente. Donc vous pensez qu'il n'y a plus de place pour les idéalistes comme Mafalda? Non, la place... Ce sera toujours ça, mais il y a plus place pour les Manolito que pour les Mafalda, Felipe et tout ça. Mais quand même, est-ce que vous avez eu des remords de l'avoir fait disparaître non, comme non, ça? Non, non, pas du tout, non, de remords, non. Je suis très content de l'avoir quitté parce que j'aime la liberté et chaque semaine, je fais ce qu'il me plaît dans ma page. La Mafalda, je devais être là, dessiner toujours la même mesure, les mêmes personnages, à dire les mêmes choses, plus ou moins. Ça fatigue un peu. Ah, ça nous en dit beaucoup, ce qu'on vient d'entendre sur Kino, sur qui il est, sur sa personnalité. Mais la question se pose encore, Jean-Dominique Leduc, pourquoi mettre fin à Mafalda si rapidement, dès 1973? D'une part, Jacques, parce que de tous les genres en bande dessinée, le strip quotidien est assurément le plus difficile à faire. Ça exige, comme il le disait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à chaque jour. Et ça devient vite épuisant. Hein? Des natures comme Schulz pour Peanuts, c'est très, très rare, ça. Et donc, en 10 ans, non seulement il a fait le tour de son personnage et il a peur de se répéter, mais il ne faut pas perdre de vue que Kino vient du dessin humoristique de presse également. Et je pense que ce sont là vraiment ses premiers amours, avant même la bande dessinée. Et ce qui est très particulier, c'est que s'il ne connaîtra pas la censure avec Mafalda, par contre, dans ses illustrations humoristiques au fil des années, il va se coltiner à plusieurs reprises à la censure. Et non seulement la censure en Argentine, mais ailleurs dans d'autres pays totalitaires où étaient diffusés ses dessins. Oui. Et vous faites bien de souligner ça parce que il y a quelque chose de... Ça nous amène à parler du rayonnement à l'étranger qu'aura Mafalda. J'allais dire, il y a quelque chose de très, très argentin, de très, très précis à la période des années 60, fin des années 60, début des années 70, cette période où existe Mafalda. C'est de ça dont il parle, de cette Mafalda qui vit dans ce pays, l'Argentine, à ce moment-là, et d'où les histoires de censure, et pourtant, parce que ça frappe sur des points sensibles, et pourtant un succès au Québec, très gros succès, un peu partout dans le monde, sauf peut-être l'anglophonie, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a une belle contradiction entre un univers aussi argentin, mais qui réussit quand même à atteindre autant de monde un peu partout sur la planète. C'est étonnant que dans les pays anglo-saxons, Mafalda n'ait pas connu ce retentissant succès, d'autant plus que la culture du comic strip est très présente depuis plus d'un siècle. En même temps, on peut attribuer ça au côté latin. Ouais. Il y a toujours une réserve dans la culture anglo-saxonne, ce qu'il n'y a pas dans la culture latine. Et je pense que le grand succès de Mafalda au Québec, parce que c'est un des endroits dans le monde où ça a fonctionné le plus à l'étranger, au niveau des traductions, c'est qu'à la fin des années 60, début 70, hein, le Québec sortait de la Grande Noirceur, traverse la Révolution tranquille, arrive Expo 67, et là, tout à coup, aussi, le nationalisme vit vraiment une montée fulgurante au Québec. Et je pense qu'il y a un lien là. Et je pense que c'est ce qui explique en partie le succès, et non seulement le succès, mais l'amour que le Québec éprouve à l'endroit de Mafalda. C'est comme si cette petite fille-là, un peu, peut-être, je vais faire le parallèle entre elle et Greta Thunberg, hein, qui milite pour une cause universelle. Eh bien, pour moi, Mafalda, c'est une version papier de cette jeune fille-là, qui militait pour une souveraineté, à tout le moins d'esprit et économique également. Et à cette époque-là, au Québec, on était en plein dans ce discours-là et dans cette réflexion-là. Oui. Un mot en terminant, puis vous nous y amenez tout naturellement en parlant de ce parallèle avec Greta Thunberg sur la pertinence ou pas de lire Mafalda aujourd'hui. Est-ce qu'elle a bien vieilli, Jean-Dominique Leduc? Ah, il n'a pas pris un ride, malheureusement, Mafalda. C'est terrible à dire. C'est terrible pour nous, en fait. Elle ne peut pas être plus actuelle qu'aujourd'hui, et je crois qu'elle le sera toujours, tant et aussi longtemps que l'humanité sera ce qu'elle est fondamentalement, mais je pense que Mafalda sera toujours d'actualité. Bon, maintenant, par exemple, dans les bandes des années 60, elle s'extasie devant la télévision. Bon, aujourd'hui, on pourrait remplacer le téléviseur par le téléphone intelligent et les écrans tactiles. Mais au-delà de ces détails-là, pour moi, lire Mafalda, c'est un acte toujours actuel et nécessaire. Et comme on le dit, hein, la vérité sort de la bouche des enfants. Eh bien, Mafalda, à chaque strip qu'on lit d'elle, eh bien, c'est une leçon hein, qu'elle nous donne, cette petite fille-là. Ouais. Jean-Dominique Leduc, c'était un bonheur de vous entendre nous replonger dans l'univers de Mafalda, chroniqueur BD, passionné du 9e art. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Merci beaucoup, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.